Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et bienvenue dans l'émission Forum Jeunes, qui donne l'occasion aux jeunes de débattre sur tous les sujets qui les intéressent. Forum Jeunes, c'est sur la radio Isanganiro tous les lundis. À la présentation de cette émission, Arida Ndaikeza et Eric Uimana assurent la mise en onde. Face au manque de travail, d'autres métiers naissent, comme la photographie, le maquillage professionnel, le stylisme. Et ce soir, on va parler de mannequinat, qui est un autre métier qui est en train de prendre place au sein d'une catégorie de jeunes. Au-delà des apparences de ce métier, qui font référence à un beau visage ou à un beau physique, il est une activité qui touche la valorisation des produits pour la vente. Les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et les produits de beauté. Et il y a d'autres secteurs qui font recours aux mannequins. Qui sont-ils? En quoi consiste exactement leur travail? Quels sont les défis rencontrés dans ce domaine? Le mannequinat peut-il offrir des opportunités aux jeunes? Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel! Pour mieux comprendre l'univers du mannequinat, nous avons dans nos studios deux invités. Clovis Blaise Colichiza Di Rasco. Vous avez 6 ans dans le métier et vous êtes chargé de l'image et formation au sein de l'agence Umuringa. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes également avec Claudia Joël Ingabire, également de l'agence Umuringa, avec 3 ans dans le domaine, et vous venez de participer à Miss Burundi, édition 2016. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Encore une fois, bienvenue à tous dans Forum Jeunes. Pour entrer dans le sujet, nous commençons par une petite présentation de nos invités. À ma droite, Clovis. Je vous appelle Clovis ou Rasco. Qu'est-ce qui est plus facile? Clovis, c'est mieux. Okay. Rasco, c'est pour... Les intimes. Voilà. Clovis, qui êtes-vous? Bon, Clovis. Moi, premièrement, je m'appelle Colichiza Clovis Blaise. Mm-hmm. Bon, les amis m'appellent Rasco. Mm-hmm. Et ça me va très bien. Oui. je suis un jeune célibataire, ça c'est... On précise. Oui. Je suis aussi fonctionnaire. Je travaille à l'office du thé du Burundi. Mm-hmm. À part ça, il y a la modeling et mm-hmm. tout, la photographie. Mm-hmm. Et j'en passe. Ok. Ouais. Et Claudia, oui. À part le mannequinat, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je suis étudiante à l'Université Lumière de Bujumbura, mm-hmm. en bac 3. Mm-hmm. Oui, oui. Quelle faculté? Dans la faculté d'informatique. Mm-hmm. Oui, oui. Et pour vous, le métier de mannequinat, en quoi consiste ce métier? Bon, je dirais que ça consiste surtout en... On prend des photos, on mm-hmm. fait des défilés de mode, mm-hmm. oui. On est l'image de certains produits. Mm-hmm. Même si ce n'est pas très fréquent ici au Burundi, c'est en gros cela. Mm-hmm. Oui, oui. Et Clovis, en appui, en ajout? Ouais, il l'a dit, c'est ça en fait. Le mannequinat, c'est en fait le poser mm-hmm. ou bien exposer pour un produit de la mode. Mm-hmm. C'est valoriser l'image de l'industrie de la mode et aussi faire valoir mm-hmm. ce produit-là. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Une petite question. Il y a toujours, bon, je ne sais pas si c'est de ma part, une petite confusion entre Miss. Et mannequin-fille, c'est la même chose ou c'est un peu différent? Ouais, il y a une très très grande différence. Mm-hmm. Avec la mode, mm-hmm. la mode c'est une personne, mm-hmm. tu es là, mm-hmm. tu as ton physique, mm-hmm. tu as la taille normale, tu es là. En fait, dans la mode, mm-hmm. c'est pas toi le sujet, mm-hmm. le sujet c'est le produit. Mm-hmm. Tandis que dans Miss, c'est autre chose. Miss, tu représentes le pays, tu représentes tout, hein. Mm-hmm. Tu vois. Il y a même dans catwalk, les défilés, je veux dire. Mm-hmm. Les défilés. Oui, comment ils marchent. Bon, en modeling, Chez les Miss, c'est différent, c'est très différent. Donc, quand vous parlez de modeling, c'est pas la même chose. Vous parlez de mannequinat. De mannequinat, okay. Ah oui. Mm-hmm. Parce que là, dans les Miss, là, il faut rigoler, il faut intéresser les gens, il faut faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais chez nous, dans le mannequinat, c'est très simple, tu es là, très calme. Tu valorises seulement le produit. Tu valorises le produit. Mm-hmm. Oui. N'importe qui peut être mannequin, mais n'importe qui ne peut pas être Miss. Oui, oui, exactement. Mais ça dépend aussi. Même être mannequin, ça ne veut pas dire que c'est n'importe qui. Il y a des standards que tu dois avoir pour être mannequin. Donc, être grande ou grand. Oui, il y a aussi des mannequins de grande taille, ça dépend. Mais il y a toujours des standards. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui peut être mannequin. Mm-hmm. Oui, oui. Dernièrement, j'ai vu une certaine Nintia. On l'a qualifiée de petite, mais elle a pu percer dans le domaine. Donc, ça dépend de la passion également. Ah oui, exactement. Mm-hmm. Parce que tu vois, il y en a beaucoup. Surtout quand on fait des castings, il y a beaucoup de garçons, bien de filles qui viennent. Mm-hmm. Après deux ou trois essais de formation, ils partent. Mm-hmm. Ils réalisent que ce n'est pas leur domaine, ou bien leur hobby. Mais celle-là, il avait ça en elle. Mm-hmm. Elle a su... Elle a une petite taille, mais côté catwalk ou... Photoshoot. Elle a une grande influence. Mm-hmm. Parce qu'elle a ça en elle. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qu'elle cherche de très très loin. Mm-hmm. Elle a ça. C'est quelqu'une que tu peux même dire, écoute, demain il y a un show, tu dois être prête. Mm-hmm. Et elle sera prête et elle va te faire des trucs que personne ne va jamais oublier. Claudia, quels ont été vos débuts? Comment vous avez commencé avec le mannequinat? Moi, auparavant, j'aimais les défilés de mode, mais je regardais cela seulement devant la télé, sur YouTube. Mm-hmm. Et je voyais des shows où c'était très intéressant. Et je voyais toutes ces filles-là qui défilaient. Elles avaient presque la même taille que moi. Mm-hmm. Et un jour, j'ai entendu que l'agence Mouling a fait un casting. Et il y a une amie qui m'a beaucoup encouragée. Et moi-même, je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que je serai retenue. Mm-hmm. Et je suis allée et j'ai été retenue. Mm-hmm. Oui, oui, c'était en 2013. Et depuis ce jour, je suis toujours mannequin. Mm-hmm. Oui, oui. Et Rasko, vous êtes également chef de l'image et formation dans Umuringa. Oui. Mais vos débuts avant de commencer avec Umuringa, elles ont été comment? Bon, mes débuts, je ne sais même pas comment dire parce que moi, je me suis retrouvé dedans. Hein. J'ai pas fait... Du jour au lendemain, vous avez commencé. Oui. Je n'ai même pas fait beaucoup d'efforts parce que tu sais, c'est comme quand on était petit. Mm-hmm. Tu voulais jouer au foot. Mm-hmm. Tu ne faisais pas beaucoup d'efforts parce que tu avais beaucoup d'amis qui jouaient au foot et tout. Mm-hmm. Il suffisait juste que tu fais un petit essai et tu étais déjà dedans. Mm-hmm. Bah ouais, ça a commencé comme ça, mais moi je suis trop côté photographique que podium. Mm-hmm. Ouais. Justement, par rapport à cela, quelle est la différence entre les mannequins pour les photos? Je ne sais pas si on appelle ça les mannequins photo. Constituer les boucles. Oui. Donc, quelle est la différence entre les mannequins photo et mannequins qui défilent? Oui. Par là, il y a une différence, je ne dirais pas très, très grande, mais il y a une différence quand même. Il y a des mannequins qui peuvent faire ça, les deux. Mm-hmm. Oui, qui peuvent faire un mannequin podium et un mannequin photo. Mais il y a d'autres aussi qui sont beaucoup trop doués en mannequin podium qu'en mannequin photo. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Et alors, à ce moment-là, c'est à toi de choisir dans quel domaine tu es très fort ou bien très fort. Mm-hmm. Et puis, tu l'exerces. Mm-hmm. Moi, j'ai pris le mannequin photo. J'ai fait aussi podium, mais le mannequin photo, ça veut dire que toi, c'est toi, tu es l'image. Tu es l'image. Mm-hmm. Des séances de photoshoot, tu étudies les poses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Tu dois vraiment te forger la tête jusqu'à ce que tu trouves ce que tu cherches. Il faut aussi avoir une image qui parle. Parce qu'il y a des fois des photos, tu les vois, tu n'as même pas besoin d'explication. Il y a des photos qui disent tout. Ouais. Mais ces jours-ci, on est en contact direct avec Photoshop. Ouais. Avec Photoshop, on peut faire des traitements. Ouais. Oui, donc, bon, c'est pas la même chose parce que c'est l'expression en fait qu'on cherche. Photoshop peut changer peut-être la un couleur, petit mais ça peut pas changer ton expression. L'expression que tu exprimes, c'est celle-là qu'on voit, c'est celle-là qui te caractérise en tant que mannequin. Oui, oui. Donc c'est le commanditaire qui doit surtout exiger du produit fini. Oui, parce qu'il y a des thèmes. Il y a des thèmes. Si pour des photos, il y a toujours les thèmes. C'est du genre. Vous voulez faire des photos, c'est les photos de campagne. Tu vois, c'est, il faut avoir l'air des gens qui vivent là-bas. Parce que tu ne peux pas faire des photos de campagne en jean ou bien des choses, tu vois. Et des shoots en ville, c'est en ville. Oui, c'est comme ça. Et c'est selon aussi avec les produits, parce que si tu portes des habits, disons, comme Iggy Tengue ou bien... les tenues en ville, c'est différent aussi. Même les endroits où vous prenez des photos, c'est très très différent. Parce qu'il y a des photos de studio, il y a des photos de street shoot, il y a des photos en groupe, tu vois, ça diffère, c'est selon le thème. Ouais. Et par exemple, si un commanditaire vient dans votre agence, il vous donne une commande et il vous dit on veut des personnes qui sont comme ça, comme ça, comme ça, mais dans votre catalogue, vous n'avez pas ces modèles. Qu'est-ce que vous faites? Il y a toujours des mannequins, je dirais, indépendants, qui n'appartiennent dans aucune des agences. Ils sont là. On les utilise, on les a déjà utilisés même avec des contrats qu'on a eu d'ici, de là-bas, avec les publicités et tout. Il suffit de chercher le profil qu'on vous a demandé. Et c'est juste une petite formation et puis il va passer. Et vous, Claudia, vous avez déjà eu des contrats avec, avec des entreprises, des particuliers, des individus? Vous avez déjà travaillé pour quelqu'un ou pour un shooting, un défilé? Oui, j'ai déjà travaillé dans des photoshoots, des défilés. J'ai déjà été dans un défilé d'ici, plutôt beaucoup de défilés. Il y a The Moment Show, c'était un défilé de Crystal et Gumaza. Il y a également Young Fashion, un défilé qui a été organisé par Umuringa Agence. Oui, j'ai été aussi dans Miss Burundi. Oui. Et par rapport aux exigences des commanditaires, vous est-il déjà arrivé de ne pas correspondre à la commande d'une entreprise? Bon, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est l'entreprise qui choisit parmi les mannequins qu'on lui a proposés. Oui. Donc, vous ne pouvez pas chercher un marché pour décrocher quelque chose? Je dirais que ce sont eux qui choisissent les mannequins qu'ils veulent. Des fois, on fait des shoots pour intéresser les entreprises. Ils pourraient te dire, écoute, on a aimé ça, mais il faut changer le modèle, ou bien il faut changer l'endroit, ou bien il faut changer le thème. Mais après ça, c'est juste pour être en communion avec le chef du projet. Parce que nous, on les intéresse et eux, ils achètent. C'est comme ça. La radio de l'avenir. Et si on vous demandait les avantages de ce métier, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu as déjà gagné en étant mannequin? Bon, je pourrais d'abord dire que je réalise mon rêve. Parce que mon rêve, c'est... Je fais ce que j'ai toujours voulu. C'est ma passion. Et puis également, il y a beaucoup d'avantages. Tu rencontres beaucoup de personnes... Beaucoup de nationalités, tu apprends à vivre avec eux. Oui. Et c'est une expérience de la vie. Très intéressante. Rasko? on nous invite à voyager. Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà gagné? Bon, moi, ici au Burundi, on a tendance à comprendre à gagner, c'est en termes d'argent, quoi. Mm-hmm. Mais je dis une chose, en tant que Burundais et fier de l'être, mm-hmm. ça paye pas. Mm-hmm. Ça paye pas parce que y a pas. Si tu veux faire ça, nous sommes des jeunes. Beaucoup d'entre nous n'ont même pas de travail. Mm-hmm. On fait ça comme une passion. Mm-hmm. Mais on a besoin des soutiens. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais demain ou après-demain, nos petites sœurs, nos petits frères, mm-hmm. ils vont en avoir. Et mm-hmm. j'en suis sûr et certain qu'ils vont en avoir. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on gagne, c'est le respect. On gagne le respect autour de nos amis, autour de toute personne qui nous voit. C'est vraiment aller au-delà, mettre la barre très très haut. Parce que vu mmh. les coutumes burundaises, vu la société, tu es burundaise, tu connais, tu sais. Hein, y a des fois, des choses, ça se fait avec des vêtements un peu, tu vois, avec la coutume burundaise. Mmh. Et si tu es capable de porter ça, je te jure, tu mérites des respects. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre, mais quand même, tu le fais. Mmh. Ouais. Vous dites que financièrement, vous ne gagnez rien. Ouais. Mais quand vous organisez des défilés, quand même, les mannequins sont rémunérés, même si c'est peu. Ah oui, ça, absolument. Mmh. Absolument. Parce que nous, ce qu'on fait, on discute avec ces gens-là qui ont des maisons de couture, d'habillement. Mmh. On fait un show, on va présenter les produits. C'est à faible contribution, juste pour financer tout le show et tout, tu sais, la paperasse et tout, le matériel, les mannequins et tout. Il faut les payer. Mais je dirais pas que c'est pas comme un income, c'est pas qu'on gagne beaucoup de choses, mais c'est juste pour payer les frais d'organisation, des mannequins et tout et tout. Mmh. Tu vois, c'est juste ça. Et ça me plaît beaucoup. Jusque là où nous en sommes, ça va quand même. Si tu as, même si tu fais payer, il y a des tickets, il y a des gens qui entrent. Mais le mannequinat qui continue à faire parler de lui dans le monde, surtout au Burundi. On commence à voir des mannequins burundais qui évoluent à l'étranger, notamment Nintia, Ange Nicole, Bella. Mmh. Elles sont connues. Oui, donc cela montre qu'il y a quelque chose qu'on peut gagner si on arrive à... Oui, il y a quelque chose qu'ils y gagnent parce que tu vois, c'est même pas... Eux, ils sont ici... C'est dans notre pays, là, très voisin même. Il y en a d'autres. Ils ne gagnent pas des millions, mais quand même, ils y trouvent quelque chose. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y a en Suède, il y en a. Norvège, il y en a. Au Canada, Belgique. Il y en a beaucoup. Hein. Mais tout ce bon monde-là, ici, quand ils étaient ici au Burundi, ils pourraient même témoigner. Il y avait absolument, c'était presque rien, mais ils ne baissaient pas les bras. Mm-hmm. Ils ne baissaient pas les bras parce que demain, après-demain, on ne sait pas. Hein? Mm-hmm. On ne sait pas, le Burundi peut changer. Et voir le mannequinat grandir, ouais. Mm-hmm. Passer de hobby au professionnel. Aller dans le mannequinat, tu sais très bien, tu vas être sûr que tu vas être payé. Il y aura des contrats et tout le paperasse, quoi. Mm-hmm. Ouais. C'est à partir de vous qu'on peut espérer que le mannequinat va continuer à émerger. Parce que vous faites partie de la jeune génération par laquelle on a connu le mannequinat comme étant métier. Oui. Parce que moi, je me dis bien, on est là, on fait tout de notre mieux. Mm-hmm. En tout cas, dans les années à venir, ce sera mieux. Mm-hmm. Oui. Mais une autre chose, c'est quoi? Moi, je me dis bien que je serais heureux, même si ce ne serait pas moi, que dans 5 ou 10 ans, il y aura un jeune de 20 ans qui va dire « Je suis là parce que Rasco, parce que tout le monde là dans le mannequinat, ils ont fait ces choses, ils ont montré le chemin, ils ont fait tout ça, on les remercie beaucoup. Là, je serais rémunéré Vraiment. Oui. Oui, oui. Parce que tu sais, avec l'argent, tu l'as, tu l'utilises, c'est fini et tout. Mm-hmm. Mais les remerciements ou bien les reconnaissances, c'est à vie. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Il y a un point que vous aviez souligné avant, le lien entre le mannequinat et la culture burundaise, Claudia. Il vous est facile d'aborder le mannequinat en étant burundaise? Bon, c'est pas trop facile. Mm-hmm. Souvent, quand tu dis à quelqu'un « je suis mannequin », directement, cette personne entend « oh, tu fais des défilés en bikini, tu es souvent nue », des trucs comme ça. Mm-hmm. On porte des tenues variées. Mm-hmm. Et puis aussi, je me dis bien, c'est un métier, il faut que les gens respectent cela. Mm-hmm. Comme il y en a qui, je dirais, qui vivent parce qu'ils créent des habits, des stylistes, en tant que mannequin et jeune fille burundaise, c'est un métier et c'est normal. Il faut pas qu'on commence à nous juger en disant cette fille-là, elle est mannequin. Et même, on peut te dire que tu as de mauvaises fréquentations. Directement, l'image qu'on a de toi, ah, tu es déjà étiquetée directement. Oui, oui. Je dirais qu'il y a une certaine mentalité burundaise que les gens ont sur les mannequins. Mais certains commencent à comprendre que c'est un métier. Oui, oui. Et la famille? La famille, pour ma famille, ça va. Parce que dans tout ce que je fais, je les informe. Et souvent, mes parents sont là dans les défilés que je fais. Mes frères et sœurs sont là. Donc, le soutien familial, il est Oui, oui, ils m'encouragent beaucoup et je les remercie beaucoup. Et vous, Rasko, la culture et le mannequinat, c'est facile ou c'est pas vraiment, vraiment facile? Par exemple, quand j'ai fait mes dreadlocks, c'était en 2008. Oui, oui, oui, dans la présentation. On a oublié de vous dire, chers auditeurs, que notre invité a des dreadlocks. Donc, continuez. Merci. Moi, je les ai faits en 2008. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui en avait. Mais au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est venu peu à peu, mais maintenant, ils commencent vraiment à comprendre des parents qui font ça à leurs enfants. Et c'est un truc qui est vraiment, j'avais pas espéré quand j'ai commencé à faire ça, mais j'ai persévéré. Parce qu'il y a des fois même que des gens, même dans la famille, ils me disaient, écoute, oui, t'as eu ton diplôme, mais c'était pas le temps de faire ta folie. Tu es au Burundi, il faut respecter. Moi, je leur dis, ça fait partie de la culture burundaise. Ça fait des années, mais c'est le retour, quoi. Avec la mode, pour les garçons, c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile parce que nous, les habits, c'est les habits tranquilles, tu vois. Partout. Mais pour les filles, pour nos chères sœurs, franchement, il faut être dans ça pour bien comprendre. Être courageuse. Ouais. Parce qu'il y a des fois, il y a même des filles, des amis à moi, ils me disent, non, écoute, Rasko, toi, avec le modeling, ça nous dépasse, hein. Ça nous dépasse. Il y a des choses qu'on ne comprend même pas. Même sur des photos, tu fais une pose, ils te l'interprètent d'une autre façon que toi-même, tu n'avais même pas l'idée que ça pourrait exister. C'est ça, au fait, le défi. Mais peu à peu, je crois que ça va revenir. Avec même le Miss, c'est pour cela qu'il fait l'appel. Voilà, il y a Miss 2016 et tout et tout. C'est pas beaucoup de filles qui vont participer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils font toujours cette allusion avec le modeling et la Miss. Alors que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que l'un, ça soutient l'autre parce que les mannequins avaient l'avantage. Si les mannequins vont dans Miss, ils ont de l'avantage, plus que d'autres filles, parce qu'ils vont s'arranger, quoi. Ça devient trop facile. Mais pour les autres, franchement, je me dis, on a très vraiment besoin qu'il y aura beaucoup d'émissions comme ça pour expliquer le fond et le fondement de la mannequinat, pour ne pas confondre le mannequinat et la prostitution. Et par rapport à ces inquiétudes qui sont soulevées, quels ont été les défis quand vous avez commencé avec le mannequinat? Le plus grand problème, c'est celui-là, être toujours celle qui a une certaine image, elle est mannequin, elle a certaines fréquentations, elle défile en bikini, alors que ce n'est même pas vrai. Moi, personnellement, je n'ai jamais défilé en bikini, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui pense que souvent je défile en bikini, ce n'est même pas vrai. Puis il y a aussi le fait de travailler dur, mais ne pas avoir de financement. comme Rasko l'a dit. Il y a beaucoup d'entreprises ici au Burundi, mais elles n'investissent pas en modeling. Alors que dans d'autres pays, c'est un secteur qui est très lucratif. Mais ici au Burundi, c'est comme perte de temps. Voilà. Et par rapport aux préparations pour les défilés ou les shootings, ça ne vous prend pas beaucoup de temps? Vous arrivez à mieux vous programmer pour faire d'autres travail? Oui, ça prend du temps, mais quand on est passionné par quelque chose, on gère son temps afin que... Cela ne vienne pas handicaper quelque chose d'autre. Oui, oui. On fait tout de notre mieux pour que tout ce qu'on est, ça se passe bien. Et la discipline et la passion vont de pair. Il faut être discipliné et dire de telle heure à telle heure, je vais faire ceci. Et être organisé, c'est ça. Oui, oui. Et il y a beaucoup de stress, mais on arrive à gérer. Et vous, Rasko, la préparation au sein d'Umuringa, ça ne vient pas interférer à votre vie quotidienne? On a des agendas et le planning, c'est quelque chose qu'on prépare au moins à 3 ou bien 4 mois en avance. Oui, on se fixe une date, on fait des réunions sur notre timing, on regarde le temps qu'ils favorisent tous. Et puis on essaie de s'arranger et aussi avec les mannequins, parce que la plupart de nos mannequins, ils sont toujours... sur le banc de l'école et tout, les autres sont universitaires et tout. Il faut aussi essayer de gérer, quitte à ce que leurs études continuent bien. Et pour notre cause, le show n'interfère pas avec, disons, les examens et tout. Parce que dans les périodes des examens, on leur donne des vacances. On suspend les répétitions, on suspend toute activité jusqu'à ce que les examens finissent. Ça s'applique sur des mannequins qui sont encore... en secondaire que des universitaires, c'est comme ça. Mais les shows aussi, on les prépare dans les vacances, beaucoup plus. Ouais. Claudia, un message que vous pourrez lancer à ceux qui voudraient entrer dans ce métier, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Je voudrais leur dire de persévérer, même si ce n'est pas toujours évident. Tu peux faire un casting dans telle agence, ne pas te choisir, mais il ne faut pas abandonner. Si c'est réellement ta passion, il faut continuer. Parce que peut-être que ce jour-là où tu as fait ce casting-là et qu'on ne t'a pas choisi, peut-être que tu ne correspondais pas à ce qu'ils cherchaient. Alors, il faut toujours continuer à faire des castings, toujours faire de son mieux pour atteindre l'excellence. Et Rasko, un message? Avant de lancer un message, je vais signaler un truc. Maintenant, il y a des jeunes qui commencent à voir leurs agences et tout. C'est comme... les pépinières des mannequins de demain. À tous les jeunes, les filles, les garçons, chacun d'entre vous qui a vraiment l'envie et la passion de faire le mannequinat, venez me voir, prévenez-moi, je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez les coacher. Ah oui, oui. Oui, je ferai de tout mon mieux parce que je vais voir d'ici 10 ans, je ne serai plus dans le milieu mannequinat et tout, mais je veux voir les jeunes qui évoluent, qui prennent ça comme un hobby ou bien qui prennent ça comme une motivation, un métier et tout et tout. Au lieu de se balader dans les bistrots ou bien autre part, mais faire le mannequinat, c'est bien, ça te donne beaucoup d'amis. Tu vois des endroits que tu n'avais jamais visités auparavant, ça te donne des connaissances. Je pense que nos auditeurs ont pris ce message que vous venez de lancer et je pense qu'ils vont vous contacter, vous prendre comme des modèles, venez, se lancer dans ce métier. Oui. Merci à Claudia, Joël et Ngabile d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle également que vous êtes de l'agence Umuringa avec une ancienneté de 3 ans dans le domaine et que vous venez de participer à l'événement Miss Burundi. Merci. Merci à vous. Merci également à Clovis Blaise Kouichiza, dit Rasko, 6 ans dans le métier, également chargé de l'image et formation au sein de l'agence Umuringa. Merci. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui avaient suivi l'émission Forum Jeune. À la présentation, vous étiez avec Alidanda Ikeza et Eric Uimana, assuré la mise en onde. À la prochaine.